m'avait offert le rôle principal. Et en avril 1935, elle m'écrivit de Hollywood. La tour du crépuscule. Boulevard du crépuscule. Hollywood. Californie. Cher Joey, quel bonheur et quel réconfort de recevoir votre lettre. Je vous envoie ma photographie, prise il y a 6 mois. Vous pourrez voir que je ne me maintiens pas si mal. Au cas où vous voudriez vraiment de moi pour être votre milliardaire, ne serait-ce pas merveilleux? Je me demande à quoi elle ressemble, quel genre de choses elle dit et fait. Hollywood et la caméra m'ont appris l'humilité, une humilité profonde. Personne n'a plus à me craindre. 3 semaines de travail en 18 mois. Oh, si j'étais à la retraite, les difficultés n'existeraient pas, mais je ne me sens pas mûre pour la retraite. Pas encore. Je suis dans un sale pétrin. C'est étrange que je doive mendier votre appui. Voulez-vous m'aider? Pourquoi Georges ne vous aide-t-il pas? Oh, je pensais que vous saviez. Il m'a abandonné. Oh, il y a longtemps, déjà. Oh, mon Dieu, Stella. Ça m'est égal de lutter jusqu'au bout, mais ce pays vous laisse assise entre 2 chaises. Ah, sur la photographie, jetez un coup d'œil sur mon beau Pékinois, Moonbeam. Pourriez-vous le faire emprisonner pendant 6 mois? Prenez bien soin de vous, cher Joey. Et flâner un peu, toujours votre Stella. 11 août 1937. Je suis devenu une telle antiquité, avec mes 81 ans, que j'ai dû mettre un peu d'ordre dans mes papiers, prendre les mesures qui s'imposaient pour ma mort imminente. Je découvre que j'ai commis une très méchante action. J'ai gardé toutes vos lettres, malgré ma règle de ne jamais rien conserver en dehors des papiers d'affaires indispensables. J'ai gardé celle d'Hélène Terry parce que son écriture en faisait des chefs-d'œuvre calligraphiques. Je ne pouvais me résoudre à les brûler. C'eût été comme de brûler un livre d'heures français du 15e siècle. Je n'ai pas la même excuse pour ce qui est des vôtres. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Réunir les lettres sous enveloppe recommandée et vous les envoyer pour que la correspondance complète soit entre vos mains. Cela augmentera leur valeur si vous êtes tenu de les vendre. Je me réjouis de voir, grâce à ce que vous avez dit à la presse et que vous n'auriez pas dû dire, que vous êtes toujours Stella. Je voudrais bien être toujours Joël Claude, mais je dois me contenter maintenant de jouer les gérantes. New York, août 1937. Cher clown, j'imagine que les enveloppes recommandées arriveront bientôt. Oh, Seigneur, mon cœur se serre. Le désir de me retrouver comme autrefois me pousse à les relire. Je ne comprends pas pourquoi vos cendres et celles de Charlotte doivent être répandues au sol avant que les lettres que vous m'avez écrites puissent être publiées. Mais dans 50 ans, la vie se déroulera dans les airs. Personne ne lira plus aucun livre, à part ceux qui parleront de pétrole, de moteurs, d'hélices et d'autres choses de ce genre. Mais les lettres que vous m'avez écrites feront partie des bagages de l'homme de l'air, à cause du chant dont elles vibrent. Les 500 livres annuels d'une amie assurent seule ma subsistance. J'habite l'hôtel Le Meilleur Marché de New York, 83 $ par mois et un réfrigérateur. Mais je me porte bien. Je reviens du Connecticut, où j'ai joué dans deux théâtres d'été. Chaque soir, une ovation. Et quelques pleurs dans la salle m'ont fait du bien, dans la mesure où ces choses comptent. Avant même d'avoir pu répondre à cette lettre touchante, je tombais gravement malade. Quelques journaux d'Amérique allèrent jusqu'à annoncer ma mort, avec notices nécrologiques, éditoriaux et soupirs de soulagement. Paris, mai 1938. Cher clown, quelle tristesse d'apprendre par les journaux que vous êtes malade. Ma France bien-aimée a fait merveille dans mon cas. Quand j'ai quitté les États-Unis, il a fallu m'apporter au bateau et me porter à Boulogne pour en descendre. Un rhumatisme du genou. 4 mois de supplice. Et le médecin américain me disant 18 mois et des béquilles. Quand le médecin français m'a vu, il a souri et m'a dit « Dans 15 jours, vous danserez. » Et ma foi, 12 applications de boue radioactive en 12 jours m'ont remise en marche. Mais la seule chose qui importe pour moi, c'est que vous vous remettiez, vous. Vos nouvelles me tourmentent. Stella, nous vivons à l'ère des miracles. Je suis à mon bureau. Les médecins semblent m'avoir guéri en me piquant les fesses toutes les 2 semaines avec une épouvantable seringue hypodermique. Donc, pour la minute, je ne suis pas mort. Bien que ce soit pure obligeance de me garder en vie, car j'ai 82 ans. Et je les parais. De toute manière, cet énergumène d'Hitler nous tuera tous. À moins que les docteurs ne s'en chargent. Joey, cessez vos remarques bouffonnes sur votre âge, où vous manquerez la splendeur du crépuscule. Je viens d'apprendre le triomphe de votre film, Pygmalion. Vous devez gagner de l'argent à ne savoir qu'en faire. Je me demande si vous vous êtes rendu compte de tout le mal que je me suis donné. Quand était-ce donc? Il y a presque 30 ans. Comment j'ai supporté vos insultes aux répétitions? Oh, bien sûr, vous avez tout oublié, sinon vous m'auriez envoyé des étrennes. Mais vous avez osé courir le monde en disant que j'étais impossible sur un plateau, à cause d'une seule fois, d'un seul jour, où vous avez fait déborder le vase. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la rampe, et j'ai dit, si Monsieur Shaw ne quitte pas ce théâtre, c'est moi qui le quitterai. Vous rappelez-vous, Joey? Que vous en souveniez ou non, c'est la vérité vraie. Si j'avais seulement le temps d'écrire vos souvenirs à votre place. Mais non, je n'ai pas un sou et j'ai une fortune à payer au fisc le mois prochain. Le film Pygmalion ne m'a pas rapporté 1 centime jusqu'à ce jour. Quant à vous faire revenir, je ferai plutôt revenir le diable. Vous empoisonneriez tout le monde, et moi avec. Vous ne pouvez pas savoir combien j'ai pu bénir votre affreux petit chien. Si seulement vous pouviez écrire un livre sincère, dont le titre serait « Pourquoi, bien que je fusse merveilleuse actrice, aucun directeur ne voulut m'engager 2 fois de suite. » Oh, menteur! Menteur, menteur! Cher menteur! 6 engagements avec Alexander. 9 engagements avec Irving. 4 avec Tri. 4 avec Dumouriez. Mais pourquoi me soucier de vos sottises malveillantes? Si la guerre éclate, qu'adviendra-t-il de nos lettres? Je les ai toutes fourrées dans une vieille boîte à chapeau que je cache sous mon lit. Vous voilà donc à votre vraie place, clown, sous mon lit. Je suis dans une toute petite chambre, mais j'ai un feu de bois et une vue merveilleuse sur les jardins des Tuileries. Et parfois, le soleil de Paris, toute la journée. Les arcades couvertes longent toute la rue, ce qui me permet de sortir, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. Le duc et la duchesse de Windsor habitent 3 portes plus loin, sur la droite. Lui, toujours élégant, elle, toujours calme. J'apprends que vous avez sorti une nouvelle pièce, à votre âge. Oui, ma nouvelle pièce, Genève, est horrible. Le critique le plus courtois me donne pour un vieux singe bombardant le public de noix de coco. Je suis allé la voir l'autre soir et cela m'a rendu malade. Il faut que je cesse de me rendre insupportable. Mais je ne peux m'empêcher d'écrire des pièces comme Genève. Ce n'est pas que je le veuille, je ne peux l'éviter. Ni que la guerre approche. Stella, vous savez, Joey le clown, a été ce que vous avez inventé de plus remarquable, de loin, de très loin. Moi ? J'ai inventé Joey le clown. Non, ce sont vos lettres qui m'inspirèrent. Si elles mentaient, alors Joey le clown est un imposteur. Mais je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Nous nous retrouverons au ciel, vous vous inclinerez, je vous ferai la révérence. Et les anges se diront les uns aux autres, ils n'ont rien gâché dans le rêve, ni dans le domaine aérien des ailes. Je ne devais plus avoir de ces nouvelles qu'une seule fois. Sa lettre était datée du 28 juin 1939. Elle avait 74 ans. Hitler alignait ses fusils devant la ligne Maginot. Et la Deuxième Guerre mondiale allait fondre sur les hommes. J'avais déjà envoyé un mot à Stella, lui disant que on pensait à elle pour jouer dans un film tiré de mon major Barbara, mais je me demandais si elle était toujours dans la course. Bien sûr, je suis toujours dans la course. Il y a 1 ou 2 semaines, j'ai même été saisie de velléité d'héroïsme. Oui, je me suis proposée au Théâtre anglais de Paris à 25 livres par semaine. Oh, même moi. Ils répondirent en m'envoyant une pièce à lire. Mon rôle était celui d'une mère yiddish qui a un fils dont le péché mignon est de tuer des petites filles et de les dissimuler ensuite dans l'armoire de sa maman. Mon texte consistait en « Aïe, aïe, aïe, nous n'aurions pas dû le laisser seul. » Je pense partir bientôt pour les Pyrénées. Dans un petit hôtel modeste, mais dans un site admirable. Je m'accoutume à être pauvre et inconfortable, et même à la très profonde détresse de n'avoir aucun bras où m'appuyer quand je traverse la rue portant mon Pékinois au milieu du fracas terrifiant de toutes ces machines sans cœur. Londres. 21 août 1939, ma chère Stella, le géant tombe en décrépitude et sa femme est paralysée par un lombago. Le producteur vous désirait pour ce rôle, ben, il y renonça parce que vous refusiez de vous séparer de votre chien pendant 6 mois. Pour l'amour du ciel, quand cette affreuse petite bête mourra de mort naturelle ou sera écrasée par une automobile, achetez un ours, une girafe, un phoque, un buffle, animaux qui peuvent vous suivre n'importe où. Ce sont des compagnons affectueux. Les guépards sont de vrais amours. J'en ai élevé un. Je reste loin du festival Bernard Shaw de Valverne cette année. Mais ma nouvelle pièce a réveillé la saison. Il s'agit de Charles II, sa femme, de ses putains, une actrice, Isaac Newton, son majordome et sa femme de chambre, le peintre Kneller, George Fox, le premier Quaker, et James II, duc d'York, dans ma pièce. J'ai renoncé à mettre en scène. Je suis trop vieux. Trop vieux. Trop vieux. J'ai